Rien à voir avec le groupe Archive. Hein. Rien à voir avec le groupe Archive. Tout de suite, c'est Professeur Guillaume dans son émission, tout simplement, Sampler, si je retrouve. Voilà. Ce soir, à 19h, Guillaume nous fait redécouvrir la musique avec son émission tout simplement Sampler. Ah, tu l'aimes bien ce petit générique, bien. Hein ouais. Bon, ouais. Alors bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. À toi les manettes. J'ai envie de te dire à toi les manettes. Je fais Yves Morizy, je l'ai fait en Yves Morizy. Vas-y, fais. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est l'autre là. Comment il s'appelait déjà Léon Zitrone. Léon bonsoir. Zitrone. Bonsoir. Donc vous avez Yves Morizy et Léon Zitrone. On, voilà. on a ressuscité le RTF ce soir. Voilà. Si on n'a pas ressuscité en tout cas la TSF, c'était la TSF TSF, ouais. La TSF, bah, au moins on aura ressuscité le RTF. Bonsoir. Alors, cinquième du nom. Ouais. Cinquième du nom. Cinquième, déjà, cinquième. On va faire une fête, hein, c'est la cinquième. La cinquième, champagne. Au moins, on a le champagne du pauvre, on a de la bière. On a de la bière, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais. Eh ben, écoute, ouais, pas de thème, comme on disait tout à l'heure. Pas de thème. No time today, mais. No time today, mais on s'aime. Mais, des petites, hein mais on s'aime déjà. On s'aime, et puis ouais. Des petites histoires, quand même, malgré tout. D'accord. Et notamment des histoires de sample qui se passent pas très très bien. D'accord. Parce que parfois, ça se passe pas bien. Et c'est pour ça qu'on aime ça, parce que non seulement on balance du bon son, mais en plus. On a des informations. Et on apprend des choses. Voilà. Ouais, c'est ça l'idée. Ça. Voilà, c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Bon, on va commencer avec les Rolling Stones. Ah. On va raconter. Là, tu me fais plaisir. On va raconter une histoire des Rolling Stones. Au tout début, le morceau s'appelle The Last Time. Mmh. C'était en 65. Je crois que c'est le quatrième album des Rolling Stones. D'accord. Bon, les fans des Rolling Stones pourront me corriger si c'est pas le cas, mais je crois que c'est le quatrième. Bon. Ok, ok. Et, on te croit sur parole. Voilà, c'est un morceau qui s'appelle The Last Time et qui a été réorchestré par leur manager. Leur manager, qui était un mec un peu ouf, c'est Andrew Oldman. Et qui a ensuite a eu un orchestre et qui a réorchestré cette chanson. D'accord. Et c'est ça qui a été samplé par The Verve, par Richard Ashcroft. Bien sûr. Mais Richard Ashcroft l'a fait un peu à l'ancienne. Aye. C'est que Richard Ashcroft, il n'a pas été déclaré les droits. Voilà. Et le problème, c'est que ça lui a coûté un paquet de blé. Mais ça arrive souvent, ça, dans les samples. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Dans le rock, moins. Mais... Dans le hip-hop, en tout cas, les mecs, ils chopent les trucs, ils se disent, bon, bah, ça va passer à la trappe. C'est ça. Moi, maintenant, mais bon, surtout que là, c'était quand même pas mal grillé. En plus, un artiste anglais en Angleterre. Et puis, les Rolling Stones, bon, c'est quand même suffisamment connu pour ne pas griller le truc. Ouais. Et donc, on va écouter donc, la version originale des Rolling Stones, The Last Time. Ouais. Derrière le réarrangement de leur manager, de Willie Holman, okay. Voilà, qui s'appelait aussi The Last Time, réorchestré, ouais. Et ensuite le morceau de The Verve. Ok, bon, on écoute voilà, ça alors, ouais. Mec. On est parti là-dessus ? On est parti. C'est y part, les gentlemen. Yes, on... Est-ce qu'on est bien parti ? Vas-y. On est mieux parti. Là, on est mieux parti. Allez, à tout de suite. Too much. Alors celui-là, il est bon ce sample. Ah, oui, il est bon. Il est grand ce sample. Il est grand ce sample. Il marche bien d'ailleurs. Moi, ignare comme j'étais sûr que c'était The Verve qui avait pondu ça, mais en fait, et ben non. Voilà, et ben voilà. C'était voilà. Les Stones qui étaient derrière. Mais alors juste pour une petite question, enfin petite précision, moi surtout de ce titre, j'en aime la vidéo. Qui est excellente. Ah bah oui. Il marche dans la rue et il bouscule tout le monde. Ah ouais. Bah, moi, c'est mon rêve. Moi, j'ai envie un jour de faire ça. Bah, parce qu'en fait, les gens dans la rue, ils te bousculent. Ça. Là, j'ai vraiment de temps en temps envie d'y aller à Franco, ah, ouais. D'y aller vraiment en les bousculant. Lui, il a une attitude un petit voilà. Peu, tu sais, de désinvolte. Ouais, désinvolte de l'art anglais. Donc, bien ça, sûr. Ça fait. Ça fait grave. Cette vidéo, je l'adore. Et à chaque fois que ça m'arrive, on me bouscule dans la rue ou malheureusement, je bouscule quelqu'un, je pense à cette chanson. À cette chanson. Tout de suite, voilà. Tout de suite j'ai les violons. C'est les violons. Les violons ne sont pas de The Verve. Ils sont des Rolling Stones et ça me fait plaisir. Et voilà. Et donc, le morceau d'ailleurs a été crédité à Ashcroft pour les paroles. Et la musique a été créditée. Il a Jagger dû le faire. Richards. Il a dû le faire. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était une décision juridique. Bon, voilà. Hein, ça aurait pu être le manager. Hein, qui aurait pu la créditer, musique hein. S'écrit de temps en temps dans les tribunaux. Exactement. Ah, voilà. Mais voilà. Mais les Mick Jagger et Keith Richards n'avaient pas pensé au violon, etc. C'est leur manager Andrew Holman. Ils auraient pu lui laisser un peu de blé. Mais non. Richards et Jagger se sont dit tiens, on n'a pas beaucoup de blé si jamais on prenait sur The Verve. Ouais. Qui a été un tube énorme en plus. Ah, bah oui, ça a été énorme. Ça a été énorme. Donc il n'a pas dû toucher beaucoup finalement. Parce qu'il a dû en lâcher pas mal. Bon, ce qui est bien pour lui, pour l'album, c'est que c'était, ça a été un hit énorme en Angleterre et puis partout dans le monde. Ce qui fait que ça lui a fait vendre pas mal d'albums, j'imagine. Mais est-ce que morceau, c'était pas au pourcentage de d'albums Ça se passe comment? C'est au prorata numéris, on va dire. Et dès que ça passait à la radio, le trois quarts allait au Stone. Est-ce que c'est pour ça que les Verve n'existent plus Mais peut-être, figure-toi. Peut-être que c'est ça. Putain, on arrête la musique. Toutes les idées qu'on a, elles sont pas bonnes. Bon, faut dire que c'était quand même pas mal pompé. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas mal pompé. Enfin, c'est basé là-dessus. Pompé. C'est bien pompé. C'est bien pompé. La rythmique est parfaite dessus. Ça marche très bien. Ouais, non, c'est que des bons morceaux. Le morceau original des Rolling Stones est top. La réorchestration du manager est top. Parfait. Puis The Verve, voilà. Et une très bonne réadaptation des Verve. Exactement. De Richard. Bon, derrière, je vais te mettre un morceau. Ça aurait pu être dans l'émission du Frangin, de Toto, le jeudi soir. Ouais. C'est une bande originale d'un film, d'un Western Spaghetti. Ah. Réalisé par. Enfin, réalisé, je ne sais pas par qui c'est réalisé. C'était avec Terence Hill et Buzz Spencer. Buzz Spencer, bon, bien sûr. Du vrai, hein. Ah, ouais. Le film toute s'appelait. Notre jeunesse. Nel Cimetiero di Tucson. Vulgairement, le cimetière de Tucson. Ouais. On va le faire en français. Et on dit pas ce que c'est. Toi, peut-être que tu vas le reconnaître. Écoutez bien la ligne de basse du départ de ce morceau. Et cette ligne de basse a été samplée pour ce qui a été un des gros hits de l'année dernière. Et on vous laisse avec Gianfranco Reverberi nel cimetiero di Tucson. Et derrière, le titre que vous connaissez forcément. Mais je ne vous dis pas lequel, donc vous avez une minute pour trouver, pour vous dire, ah mais oui, mais bien sûr, c'est ça. Oui. Et sélection musique à torrange.fr. Exactement. Elle a toujours la même adresse. Ouais. Allez, on part avec du West Cairns. Spaghetti. Bon, ça se passe au début dans la basse. Hein. Ouais. Allez. On vous laisse réfléchir. Crazy, probably. encore une fois, il fallait le trouver celui-là. Il fallait le trouver. Putain, t'es fort, hein. Tu décortiques. Je décortique. C'est balèze. Il y a des sites qui m'aident aussi. Ouais. Hein. Je dois remercier les mecs qui alimentent aussi. Vas-y, balance. Oh, bah ça, je sais plus sur lequel je l'ai trouvé, mais enfin, en tout cas, sur un site de sample. Putain, celui-là, il est bon. Il est bon, hein. Ils sont allés chercher loin. Dieu sait si les mecs, ils ont, encore une fois, je redis ce que je dis dans mes émissions précédentes, mais les mecs, ils ont une ouverture d'esprit, ils écoutent énormément de choses. En tout cas, les producteurs. Mais je sais pas comment ils font. Quand on avait écouté Dre avec Aznavour, etc., tu te demandes où ils vont choper ça. Où ils vont choper ça. Ils vont dans les bacs à disques et ils fouillent. Et puis il y a des mecs qui doivent leur donner des gens de maison disque en leur disant. Enfin, des disquaires, à mon avis, chez qui ils ont leurs habitudes. Ouais. C'est le cas de DJ Shadow d'ailleurs. Ouais. Il a à San Francisco, il a un disquaire qui est un vieux mec et qui lui. Qui lui ouvre déjà sa cave où il y a plein de trucs qu'il peut pas mettre, machin. Et il lui donne des tuyaux, lui dit écoute des vieux trucs de Illy Blues ou de. Et lui dit tiens, cette ligne de basse elle est bien, etc. Et lui il pioche là-dedans, il ressort avec des camions de trucs. Incroyable. Bon, c'est du boulot, hein, malgré tout. C'est du boulot. C'est les brocanteurs de la musique. C'est les brocanteurs, ouais. Et bon, on connaît ce titre évidemment. Bon, c'est Silo qui chante. Silo, c'était le mec, c'était un mec du sud d'Atlanta. Et Danger Mouse. Et Danger Mouse derrière. Ouais. Danger Mouse, le célèbre producteur dont on parlera après aussi. Ouais. Parce que lui aussi, il a une histoire qui s'est mal passée, lui. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais non, il a fait un truc avec les Beatles. Et exactement, on écoutera ça tout à l'heure. C'est cette mauvaise histoire. Qui a été interdit d'ailleurs. Qui a été interdite. Bon, non, on l'écoutera juste après. Mais juste avant. Il y a une réinterprétation de ce titre-là qui est fait par un mec de folk qui s'appelle Ray Lamontagne. D'accord. Qui est un mec qui doit avoir une trentaine d'années. On appelle ça une cover en une anglais. Une cover. J'empiète un peu sur les plates-bandes de pommes. Non, de pommes C, ouais. Pommes C. Il n'y a pas de problème. Et j'ai envie de l'écouter parce que celle-là, le Crazy, on le connaît évidemment par cœur. Mais celle-là, je la trouve belle. Donc on écoute. On l'écoute tout de suite. Alors il s'appelle comment déjà? Il s'appelle Ray Lamontagne. C'est un Américain, un folkeux. C'est pas un Québécois. Et c'est pas un Québécois. Je pensais au départ, mais non. Et c'est un. Voilà. Et bon, je le mets tout de suite parce que c'est beau. Ouais. Voilà, à tout à l'heure. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that face. Even your emotions had an echo in so much space. When you're out there without care, I was out of touch. It wasn't because I didn't know enough, I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. And I hope that you are having the time of your life. Oh, but think twice. That's my only advice. You are. Oh, oh, bless your soul. Do you really think that you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Oh, you. Superbe voix en tout cas, il a une superbe voix Montagne, complètement cassée. Ah, il a sorti deux albums folk typiquement américains qui sont vraiment super beaux. Guitare-voix, parfait. Nickel. Bon, la mélodie est très belle de ce morceau. Hein, Pas besoin d'en rajouter, non. Et donc Silo, Danger Mouse, Silo il faisait partie de quel groupe? De Goody Mob, ouais. Groupe d'Atlanta, ouais. Dans la même veine que Outkast. D'accord. Voilà, Silo et qui vient du gospel aussi, Silo, tiens. Et, voilà. Et bon, moi j'adorais juste encore une fois le clip. Je voulais juste parler du clip. Oui, il était beau. Qui était magnifique avec les taches d'encre. Exactement. Qui rappelait le psy. Donc qu'est-ce que tu vois dans cette tache d'encre? Voilà, c'est ça. Crazy, tout ça. Je suis complètement fou, quoi. Ouais, je suis complètement fou. Il était très beau ce clip. Et ouais, c'était un super clip qui allait vachement bien avec la chanson, etc. Qui a été un carton monumental. Bah ouais. Qui a été numéro un des premiers gros tubes du téléchargement en fait. Ah oui, crazy, c'est ouais. Ouais, ouais. Ah bon. Ça a vraiment été un truc de ça fou. Ça a été grâce à ce titre-là qu'on on a basculé dans l'ère numérique. Voilà, bon, je vous cache pas que la version de Ray La Montagne a un petit peu moins bien marché et restait plus confidentielle, mais elle est vraiment très très belle. Ouais, voilà. Elle est bien. Et bah justement, vu qu'on parlait de Danger Mouse et puis des histoires qui se passent mal, bon, Danger Mouse, vous le connaissez certainement. Il a produit Gorillaz récemment. D'accord, le deuxième album de Gorillaz. Mm-hmm. Le premier était produit par Dan The Automator et le deuxième album par Danger Mouse. Donc c'est un mec super qui travaille beaucoup avec Damon Albarn de Blur. D'accord. Qui fait plein de projets, qui produit pas mal de gens, etc. Je crois qu'il est appelé sur celui de Madonna d'ailleurs, qui va toujours choper ceux qui sont bien hot. Qui sont dans le coup. Ouais. Exactement. Et donc, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, Danger Mouse, il s'est dit je vais faire The Grey Album. Et d'accord. Pourquoi The Grey Album? Parce pour deux raisons. Il y avait l'album blanc des Beatles, évidemment, et surtout le Black Album de Jay-Z. Ah, voilà, et Jay-Z, à l'époque, ce qu'il avait fait pour son dernier, ce qui devait être son dernier album, d'ailleurs, il aurait dû s'arrêter là, pour son dernier album, ce qu'il a fait. Viens, juste une point d'interrogation, parce que dans le métro l'autre jour, parce que je prends le métro quand ma moto est en panne. Tu prends le métro, hein. Elle est souvent en panne. Bon, heureusement, elle n'était pas en panne pendant les grèves, mais voilà. Quand juste avant les grèves, je prenais le métro et j'ai vu dans le métro une affiche avec le dernier album de Jay-Z. Il a sorti un nouvel album. Ah oui, donc il est complètement passé inaperçu. Oui, il est passé inaperçu. Parce que je suis allé sur iTunes, parce que je ne télécharge pas les morceaux illégalement. Mon œil, Et je suis allé sur iTunes pour voir et écouter et éventuellement l'acheter. Je ne l'ai même pas trouvé. Est-ce qu'il est en brouille avec Mac Je ne sais pas. Ça serait dommage qu'il s'embrouille avec. Parce que c'est quand même là où ça se passe maintenant. Mais tu sais, il est patron de Def Jam maintenant, lui. Ah, c'est ça. Voilà. Il est patron de Def Jam, qui était le label mythique de hip-hop dans les années 80. Run DMC. Beastie Boys, LL Cool J, etc. C'était pas Tommy Boy, Run DMC. Non, c'était Def Jam. Absolument, Def Jam. Et au tout départ. Et puis après, c'est pas Run DMC. Ailleurs, non, c'était surtout LL Cool J, il y avait Slick Rick. Beastie Boys, enfin bref, c'était un label pionnier de hip-hop, et maintenant il a pris la direction du truc. D'accord. Et il a même signé Nas, qui était son adversaire. Il a signé Nas, mais Nas c'est fini aujourd'hui, il n'y a plus Il y a un album qui est sorti il y a peut-être un an et demi. Ah oui, oui, c'était une merde. C'était pas bien, ouais. Et donc voilà, et donc Danger Mouse, lui, ce qu'il se dit à l'époque, il va prendre l'album blanc des Beatles et il va prendre l'album de Black, le Black Album de Jay-Z. Qui lui-même avait mis à dispo. En fait, il avait mis et à la fois ses instrus et à la fois ses acapellas sur internet en disant mais éclatez-vous, il y en a plein qui ont fait ça. Il y a Pete Rock, il y a Madlib qui a réinterprété tout ça avec ses flows. Et donc Danger Mouse s'est dit écoute, on va y aller, on va comment ça s'appelle pomper tout ça, on va un peu pomper dans tous les et on va mélanger les Beatles et Jay-Z, faire que des white labels. Et exactement. Voilà. Et donc le problème de ça, c'est que lui au départ, il le sort sur internet, etc. C'est que ça a cartonné. Et alors, non seulement ça a cartonné en téléchargement sur internet et tout ça, au départ illégalement, et évidemment c'est venu aux oreilles de Apple, la boîte d'édition des Beatles. Ouais. Paul McCartney a dit non, c'est pas possible, etc. Machin. Apple McCartney ou Paul McCartney? Parce que tu. Paul McCartney, mais Apple. Apple McCartney. Apple, c'est ce que c'est Apple. Apple, c'était le. La pomme. La pomme. Oui, mais Apple, pas Apple, les ordinateurs, c'était la boîte d'édition. Ouais. Bref. Et donc, Paul McCartney s'est dit putain. Prends-moi pour un con. Et Paul McCartney s'est dit merde, j'ai pas assez de pognon, donc je vais interdire ça, ou alors tu me files de l'argent. D'accord. Il a raison. Bon, on va s'écouter. Et donc, au final, ça a été censuré, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pouvez le télécharger, je pense, illégalement. Ouais. Voilà, je ne pousse pas au téléchargement. Non, surtout pas. Ouais. Si, allez-y. Non. Fuck les droits d'auteur, comme je dis souvent. Non. Déjà que je ne paye pas la SACEM. Donc, on va s'écouter une réinterprétation de Jay-Z par Danger Mouse et qui sample While My Guitar Gently Weeps, qu'on écoutera après des Beatles. Tout de suite, What More Can I Say, Danger Mouse, Jay-Z and the Beatles. Yes. All right, baby, that's for you. Never been a nigga this good for this long, this hood, or this pop, this hot, or this strong, with so many different flows, this one's for this song, the next one I switch up, this one will give it up, these buffs, too lazy to make up shit, they crazy, they don't paint pictures, they just trace me, you know what, soon they forget where they pluck, they hold staff, I'm trying to reverse the outcome, I'm like, tough, I'm not a biter, I'm a writer for myself and others, I say a big verse, I'm only big enough my brother, big enough my barrel, I'm big enough to do it, I'm that barrel, plus I know my own flow is foolish. So the rings and things you sing about, bring them out. It's hard to yell when the barrel's in your mouth. I'm in new sneakers, dual seaters, few divas. What more can I tell you? Let me spell it for you. W-I-L-L-I-E. Nobody truer than H.O.V. And I'm back for more. New York's ambassador. Prime Minister, I'm back to finish my business up. Et vous qui êtes derrière votre radio, votre ordinateur, hein, balancez pas aux Beatles, hein, qu'on est en train de passer du Beatles sans l'autorisation. Non, mais je crois que personne. Faut nous tomber dessus. Hein. Je pense que personne ne connaît Paul McCartney. Ah ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, si, il y a une personne qui connaît Paul McCartney. Parce que je crois pas que ça ait marché les Beatles en fait. Hein. Non, moi, je crois qu'il y a une personne qui connaît Paul McCartney, c'est Michel Vedette. Ah, Michel Vedette. Ah, il connaît pas Paul McCartney. Ouais, je crois que la dernière fois, il a essayé de me le balancer, il a essayé de me le dire, mais. Tu sais, son humilité le perdra. Mais je suis allé sur les sites, en fait, ça n'a pas du tout marché, les Beatles. En fait. C'est une grande escroquerie, on disait, ouais, les Beatles, ouais, ça a les cartonné. Beatles, bon, en fait, ça n'a pas marché. Non. C'est un des... Mais tu sais que tu connais l'album qui s'est le moins bien vendu, où tout le monde dit, ouais, là, cet album, un truc de dingue et tout. L'album dont on parle le plus. Et qui s'est pas du tout vendu. Dont on parle beaucoup et qui s'est en fait pas du tout vendu. Je sais pas. Un truc, Warhol les a poussés à fond. Les Velvet Les Velvet. Le seul album des Velvet, parce qu'ils ont sorti qu'un album. Hein, oh non, tu rigoles. Si, un album. Mais non. Un album. Mais attends, les Velvet, ils ont sorti 4 albums, 5 albums, sais, qui sont 5 tueries. Je non, sais. Mais... Non, ils ont sorti leur premier album. Oui, c'est avec Nico. Voilà, avec Nico. Il n'a pas du tout marché. 400 000 copies. 400 000 copies. Et il est dit, et en fait, la... Ils sont rattrapés depuis, hein, j'imagine. Oh, bah oui. Comment ça s'appelle? Le mythe. Dit que tous ceux qui ont acheté une copie de cet album à l'origine ont formé un groupe de rock. Ah, eh ben c'est pas mal, non? Ah ben c'est pas mal, ouais. Mais je serais curieux de savoir qui est derrière. Un des rares titres que Paul et John ont autorisé à George Harrison de composer. Ah bon, d'accord. Ouais, parce qu'il arrivait avec plein de... Il y a juste, comment il s'appelle, Ringo Starr, le batteur le plus chanceux du rock'n'roll, qui lui ne composait rien. Ouais. George Harrison, à chaque fois, à chaque nouvel album, il disait, les gars, j'ai des morceaux, allons-y. Voilà. Et à chaque fois, niet. Et là, il y a ce morceau-là, il y en a deux, trois, hein, mais sinon, le reste, c'est... C'est Paul McCartney et John Lennon, mais là c'est ça, c'est du George Harrison. Eh ben. Et c'est une bien belle chanson. Ouais, tout à fait. Moi j'aime beaucoup George Harrison. Ce qu'il a fait par la suite après, moi j'aimais pas mal. Hein. Matt Pokora vient de m'appeler. Il avait acheté à l'époque l'album de Velvet Underground avec Nico et s'est dit, tiens, si je faisais du R&B. Donc là, je m'étouffe carrément. Il a dit ok. Il vient de nous appeler. Hein, c'est lui direct. Mesdames et messieurs, c'est lui direct. M. Pokora avait acheté à l'époque. C'est pas toi qui produis, Matt Pokora? Enfin, produit, c'est un grand mot. Enfin, qui m'occupe de sa direction. Bravo. Bon, on va parler plus sérieusement. Enfin, c'est bien qu'on soit complètement, totalement sérieux. Ouais. On va parler d'un grand monsieur. On va parler d'un bon groupe derrière d'ailleurs. Lalo Schifrin. Lalo Schifrin. Mission Impossible. Bien sûr. Dim. Pas mal. Donc c'est un Argentin, arrangeur de talent, qui a fait plein de BO de films, Bullitt pour le plus connu, Enter the Dragon avec Bruce Lee. Magnum Force et puis Inspector Harry évidemment. Enfin bon, il a fait un paquet. Que des grands, des grands. Puis il a fait du jazz, enfin grand monsieur. Ouais. Vit encore. Lalo Schifrin est encore vivant. Ouais, il donne des concerts d'ailleurs encore. Okay. Faut en profiter. Ça va pas être chiant avec tous les thèmes qu'il a fait. Enfin, c'est un arrangeur sublime. Hein. Ouais. Bon. Et donc on va s'écouter un extrait de la bande originale de Mission Impossible, mais pas le thème le plus connu. Ça s'appelle Danube. Peut-être une expédition qui se passe près du Danube. Enfin, un truc comme ça. Bon. Et qui a été samplé derrière par Portishead. Tu veux dire qu'il a essayé de composer un titre pour Le Grand Bleu, mais en fait ça a été refusé. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc c'est dit tiens, bon, je vais faire un truc qui s'appelle Danube. Ouais. Un film qui n'a pas marché. Non, bon, c'était pour la BO de Mission Impossible. D'accord. Un thème, Danube, suivi derrière de Sour Times, de Portishead. Groupe qui nous manque, hein, parce que c'était vachement bien. Hein. Andy Smith et Bette Gibbons, ça, moi j'aimais beaucoup. Ouais. Bon, toi t'aimais pas beaucoup. Pas bon, on s'écoute Lalo Schifrin, Danube, ouais. Et suivi de Sour Times. Ok, c'est parti. Sinful screens bear the facts, assume the die, and the vows no more. Vous dormez pas ? Vous dormez pas, non ? Moi, je m'endors. Moi, je trouve ça beau. Moi, ouais, non, c'est beau. Ouais. Je m'endors. Portishead, Bette Gibbons, Andy Smith derrière à la production. Elle a une voix magnifique. C'était bien à l'époque, mais et bon. Et puis derrière, c'est... la Lochifrine a quand même qui est samplée. Ouais. Hein. Un monsieur, la Lochifrine. Bon, maintenant, on va reparler d'un autre monsieur aussi. Ouais. Un mec qui savait plutôt pas mal jouer de la guitare. Mm-hmm. Qu'il a brûlé un jour à un concert. Jimi Hendrix. Yes, Hendrix. Bon, yes. Et ben en fait, là, c'est un morceau de Jimi Hendrix avec un mec qui s'appelait Lonnie Youngblood. Okay. Qui était un bluesman et qui était aussi chanteur. Et ça a été samplé par John Legend. Ah. John Legend. Ah, là, on part vraiment dans la catégorie des chansons que tu n'aimes pas. Ouais. Non, mais. Non, bref, non, pas du tout. Non, mais attends, moi, j'adore tout ce que tu fais. Bah, hein. J'adore ce que tu fais. Ça me fait découvrir des choses. Bon, Jimi Hendrix avec donc Lonnie Youngblood. Le morceau est super bien. Ça s'appelle She's a Fox. She's a Fox. Et derrière, ça a été samplé, moi, je trouve, avec talent, par John Legend. Okay. C'est de la new soul. Voilà. Et ben, écoute, on écoute ça. Et puis, ouais. Ensuite, on passera à d'autres choses. Mais bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Hein. Sur ma radio, on écoute tout ce qu'on veut. On peut passer du rock à la soul, à la new soul. On fait ce qu'on veut. Bon, maintenant, c'est du Jimi Hendrix, un peu soul. Ah, c'est bien. Un peu blues, c'est du moi, bon. J'écoute. Allez, à tout de suite. On y va. Just a minute, slow it down for a minute now, baby. You're talking loud, you're wilding out. Don't seem like my old lady. Let's go and play the song we used to play. Can we reignite the flame? 'Cause things just ain't the same. We could talk about the baby. We could talk until we're crazy. We could focus on it now. We can focus on it later. We can start another fight. We can argue and fuss all night. But I propose that we go to the flow and we slow down. Et à tous nos éditeurs de par le monde, c'est une soirée spéciale World parce qu'on les écoute partout dans le monde. Hein. On les écoute où notamment ? En Afrique du Sud. Oh là là là là, spéciale dédicace ou Clément ? Ah ouais, spéciale dédicace à Clément. On ne va pas, on va pas passer du Yannick Noah. Hein. Respect. Ah non, ouais, non. Saga Africa, quoique un jour ça sera peut-être samplé, Saga Africa. Bullshit Yannick Noah. Bullshit tennisman, bullshit singer. Bullshit tennisman, c'est le seul français qui a gagné Roland Garros. Hein. On s'en fout, ouais. Il n'y avait que des nazes en face de lui. Ouais. C'était Vilander en face, hein. C'était quand même pas si mal. À l'époque ça pesait quoi. Ah, tout de suite. pas que ça pesait. Bon, en tout cas, pour ce qui est de l'Afrique, on va écouter des sons africains un peu plus tard. Ouais, ouais, ouais. Une autre histoire qui s'est mal passée aussi. Ouais, bon. Enfin, qui s'est bien passée pour l'Africain. D'accord. Mais moins pour l'autre. Eh ben, on voilà. écoutera ça un peu plus tard. Bon. C'était quoi qu'on écoutait là, là Un sample de Jimi Hendrix. Un sample de Jimi Hendrix et de Lonnie Youngblood. Ouais. Et là, c'était John Legend, Slow Dance. Mon morceau que je trouve très beau. Après, et ça, John Legend, c'est donc un chanteur actuel hein, ouais. qui refait de la soul, donc il s'appelle de la new soul. Voilà. C'est ce que tu nous expliquais la Exactement. Semaine dernière. Exactement. Live. Et là, bon, il y a une programmation et puis il y a un. Et il y a surtout un sample, ouais. mais sinon, piano, guitare, tout ça. Super voix, John Legend. Ouais, super voix. Ouais. Super moi, je l'ai vu une fois en concert, moi, je trouve ça vraiment bien. Bon, après, ouais. faut aimer, hein. Ouais. Toujours pareil. Un succès, John Legend, on parle d'un succès. Ouais, ou ça marche pas trop mal. Hein. C'est pas non plus ouais, c'est pas dingue. Dingue, mais ouais. c'est pas mal, ça va. Ouais, ça marche. Mais alors qu'on est bien, Hendrix derrière. Voilà. Bon, derrière, on va s'écouter un groupe, les Crusaders, qui a été samplé par NTM. Samplé, hein, ouais, et notamment par NTM. Ouais. On va écouter un morceau My Lady, mais ce qui est drôle, c'est que un des fondateurs des Crusaders, le mec s'appelait Joe Sample. Donc s'il n'a pas un nom prédestiné, si c'est pas un appel au meurtre ou un appel au sample, qu'est-ce que c'est? Le mec s'appelait Joe Sample, bon, qui est un mec mythique, Joe Sample. Mm. Et bon, Crusaders, c'était un pur groupe des années 70. Mm. On va appeler ça comment? Du jazz, jazz funk. D'accord. Mais c'était vachement bien. Mm. Et ben on va s'écouter là maintenant les Crusaders avec My Lady. Et derrière, samplé par la fièvre du suprême Nikumuk, NTM. Bon, allez, c'est parti, My Lady, The Crusaders. M'a mis la fière. Tout a débuté un matin quand t'as 10h10. Je peux tirer du lit par l'emmerdeur de service. Mon voisin du 2, tu es un bon fan d'Elvis. Je veux passer ce week-end à foutre à fond des lives de Memphis. Le pire, c'est que je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Je suis hier au soir, je suis sorti. Mec, jusqu'à 6h du mat, tu peux comprendre ça. Ça ne me fait pas plus de 4h de sommeil exact. Je vais encore passer la journée là, t'es dans les vapes en plus. J'ai des rendez-vous importants, des interviews. Ça risque d'être chaud, je suis de mauvaise humeur. Je l'avoue, mais j'assume. Je bouge d'ailleurs, je suis déjà au volant de ma direction, les abeilles. Oh, j'ai rendez-vous avec l'homme que l'on nomme Joey Joe. Ouais, ils se font la gueule, hein. Ils se font la gueule, ouais. Que les keufs m'arrêtent et me plaît de me mettre sur le côté. On avait un contrat moral, un truc que t'as mis à mal. Contrôle d'identité, simple formalité. Quand on a ses papiers, mais voilà là, je les avais pas sur moi. J'ai donc été invité au commissariat. Ils m'ont mis la fièvre. Pendant des heures, mais ils m'ont mis la fièvre. Voilà, donc celui-là, on va pas l'écouter en entier, on le connaît par cœur. Donc Joe Sample qui était au piano. Et donc et pas aux trompettes. Et pas aux trompettes. Non. Il était au piano, il était compositeur. Compositeur. Voilà. Et ils ont samplé les trompettes. Et ils ont samplé les trompettes. Voilà. Les deux trompettes ont samplé les trompettes. Et les trompettes. Et voilà. Et ça a donné la fièvre. Voilà. Ça a donné un la tube, fièvre. Un carton encore. Bon. On va honorer l'Afrique. Allez. Bon, on va raconter une histoire avant de lancer. Alors, la petite histoire. On va s'écouter Manu Dibango. Ouais. Manu Dibango, camerounais. Mm-hmm. Saxophoniste camerounais, ouais. Célèbre dans les années 70 et puis même maintenant. Même maintenant, hein. Voilà. Et qui a composé un morceau culte, Soul Makossa. Ouais. Sauf que Sol Makossa, Makossa, exactement. Sauf que ça a été samplé par quelqu'un et qu'il a pas déclaré. Ouais. Michael Jackson. Et voilà. Et voilà. Et, donc, et maintenant il a des couilles en or. Et maintenant il a des couilles en or. Ouais, voilà. Tombé dessus. Ouais. Michael Jackson sort son album Thriller. On sait à combien ça s'est vendu. Mm-hmm. J'ai pas les chiffres, mais je sais pas 14, 20, 20 40 millions d'exemplaires. Millions. Enfin bref, bon. Ouais. Et sauf qu'il a pas déclaré. Donc. Bah, il s'est dit je suis Michael Jackson. Je suis I am Michael Jackson. Quoi. Je peux tout permettre. Bien sûr, je peux toucher les petits, je peux sampler Manu. Et voilà. Et sauf que Manu Dimango, il a écouté ça. Et il s'est dit oula pépère là, faut cracher au bassinet. Donc le morceau est toujours crédité Michael Jackson. Ouais. Simplement, je ne connais pas la teneur du chèque, c'est pas révélé. Hein, ouais. que mais il a quand même touché un chèque. Un gros chèque. Ouais. Ah oui, non, c'est pour Michael Jackson. Enfin, ça se passe mal. Non, ça se passe pas mal. Je dis que c'est une histoire qui se passe mal, sauf que ça se passe bien pour Manu Dibango, qui a touché énormément d'argent là-dessus. Sauf qu'il y a une partie des droits qui sont parvenus à Michael Jackson et Quincy Jones, les deux brillants qui ont fait l'album le plus vendu au monde, hein, comme Thriller. Hein. Donc on va s'écouter Manu Dibango, Sol Makossa. Spéciale dédicace à Clément en Afrique du Sud. Bah oui, pour voilà, toi, hein. pour soi, cette champion du monde de rugby. Ouais. Voilà. Hein. Enfin, en Afrique du Sud, c'est pas vraiment l'Afrique en même temps. Ouais, non, c'est pas l'Afrique. Non. Enfin, bon, c'est censé être l'Afrique, mais c'est pas toujours l'Afrique. Quoi. Bah, il y a un truc qui s'appelle apartheid, un truc pas très clair. Toujours pas réglé. Hein. Ouais. Moi, c'est censé être réglé, mais. Ouais, mais bon. Il paraît que c'est toujours la merde. Hein. Bon, et écoute, on s'écoute Manu Dibango, Sol Makossa, suivi juste de la partie qui a été samplée par Michael Jackson, qui était le morceau Wanna Be Started. Something. Allez. All right. Sol Makossa. Oh le copieur, oh le copieur, Michael Jackson copieur. Ça, c'est pas un vrai sample, en fait, c'est une réinterprétation. Voilà, c'est une réinterprétation, en fait, il s'est inspiré de la mélodie. pour en faire ses backing vocals de fin. Donc il n'a pas vraiment samplé, il n'a pas utilisé le fragment de l'œuvre qu'il a remis dans son œuvre à lui. Il l'a fait réinterpréter. Il l'a fait réinterpréter, bon, comme ça arrive de temps en temps. Parce que le sample, ça peut être à la fois. Je coupe ça. Ça peut être à la fois de prendre le fragment de l'œuvre et de la mettre. Donc vraiment le truc pris qu'on met dans le nouveau morceau, ou alors s'en inspirer ou chanter la même mélodie. D'accord, c'est le cas là. Okay. D'ailleurs, je crois que c'est le cas aussi du morceau de The Verve qu'on a écouté. D'accord. Ils ont rejoué les violons, machin. Mais bon, ça parce que oui, parce qu'il y a un problème de rythmique, j'imagine. Et ils doivent retomber sur leurs pieds. Voilà, etc. Il faut soit parfois ils pitchent la rythmique pour que ça aille avec le tempo, ou soit parfois machin. Et donc là, c'est vrai qu'il prend ces cœurs-là, il se dit tiens, il écoute Manu Dibango, il dit ces cœurs-là sont mortels, ça. Et il y va. Allez, trop, comment hein. T'arrives pas trop à le faire. Mama, il dit pas ça. Mamassa, mamakusa. Voilà. Oh, pardon pour mon africain. Pardon, ami camerounais. Je m'excuse. Dis-moi, est-ce qu'on peut considérer que Manu Dibango fait partie de cette vague d'afrobeat? Parce que. Tout à fait. Non, mais j'ai envie de. Non, mais est-ce que c'est genre de l'ordre de Tony Allen? Enfin, toute cette vague. Fela, surtout. Fela Kuti. Antelico Kuti. Voilà. Ah ouais, et Tony Allen aussi, non? Tony Allen, bien sûr, qui joue avec lui, qui était son batteur, Tony Allen. Et donc, c'était. Qui aujourd'hui a fait de Queen, de Bad, tout ça, c'est ça. Hein. Il fait partie de ce groupe-là avec Damon Albarn, avec Paul Simonon de Clash, et Danger Mouse derrière, qui a produit certains morceaux. Un album que moi, je suis pas très très fan. Il y a des belles mélodies, mais voilà, bon, c'est pas. Ça n'a pas très bien marché. D'ailleurs. Exactement. Mais ouais, ça fait partie de ce qu'on appelle l'afrobeat. D'accord, ok. Donc, c'est vrai que Lady Mango fait partie de ça. C'était cette espèce de. Bah, c'est nié avec Michael Jackson. Et ils ont décidé de faire la même chose en funk africain. D'accord. Et ça donnait des trucs super, notamment Fela au Niger, qui était quand même un dieu. Mais Damon Albarn, il a sorti un album d'Afrobeat. D'Afrobeat, absolument. Je crois que c'est des rééditions ou des trucs comme ça. D'accord, et il a fait chanter des enfants dans des villages, Au Mali. Ouais. D'accord. Grande culture musicale au Mali, notamment. Et effectivement, il a fait un morceau avec des Maliens. D'accord. Et oui, Traoré, tout ça, il y a des super trucs au Mali. Il y a du blues malien. Ah Boukachette. Non, Boukatar Traoré. Boukatar Traoré. J'ai du mal avec l'Afrique, merde. Et voilà, et donc c'est qui a fait des morceaux sublimes, c'est du blues malien. D'accord. Voilà pour l'Afrique. Pour la prochaine fois, on écoutera. Et bon, alors derrière la production de Thriller et de Michael Jackson, en tout cas pour les trois premiers albums, Off the Wall, Thriller et derrière Bad, c'est le grand artificiel, un des peut-être des meilleurs arrangeurs du monde. À l'époque, Quincy Jones. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, Quincy Jones, lui aussi, a été samplé. Ah bah oui, voilà. Forcément. Donc, on va l'écouter maintenant parce que ça va directement dedans. Est-ce que c'est aussi Quincy Jones qui a fait la BO de The Wiz aussi? Avec de quoi, de The Wiz. Oui, absolument. Avec Michael Jackson et Diana Ross. Absolument. Et je passe de temps en temps la fameuse chanson Lean On Down, Down the Road, the Yellow Brick Road. All right. Yes. Non, Quincy Jones, grand monsieur qui vient du jazz, etc. Et qui est un super arrangeur. Que tard invétéré, faut bien le dire, Quincy Jones. Et donc, on va avoir un vice. Voilà, on va s'écouter un classique de Quincy Jones qui est Soul Bossa Nova, que vous avez vu dans des pubs aussi, machin, etc. Enfin, c'est allègrement, machin. Ouais. Et qui a été samplé par les Dream Warriors. Bien sûr, et qui a été aussi dans la BO du film d'Austin Powers. Absolument. Ouais. Et l'original. Bon bah on s'écoute. Alors Quincy Jones, Soul Bossa Nova, et derrière My Definition of a Bombastic Jazz Style. Style. are you ready for one other? Dream Warriors noise is new, discover old. Once again with a new blend, so telephone a friend. Yo, D-Voice got this new song, it's dope, man. Compact disc to the prime is Optimist. Fans are friends, I'm universal and cosmic. Concrete jungles abound. Stand by the speaker, you're smothered and covered up in the sound. You stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition, my definition. My definition is this. My definition, my definition. My definition, my definition is this. My definition, my definition is this. My definition. Voilà, c'était la définition. Hein. My definition of a bombastic jazz time. Voilà. Je tenais à rappeler une chose, c'est que si vous voulez, vous, de par le monde, m'envoyer des sons de là où vous êtes, je suis en train de réfléchir à une émission worldwide. C'est-à-dire, bon, moi j'ai mon frère qui est à New York, qui est en train de préparer un petit son. Il y a de la musique à New York, je ne suis pas sûr si. Pas grand chose. Ouais. Surtout du bruit. en Afrique du Sud, bien sûr, tout ça. Envoyez-moi des sons de là où vous êtes. On va préparer un petit truc avec les sons du monde entier. Ça sera une fois par semaine, on fera quelque chose. Donc si vous voulez enregistrer, vous enregistrez dans les villes de par le monde où vous êtes, on pourrait faire quelque chose de pas mal, je pense. Ouais. Ça pourrait être intéressant de faire ça. Ça peut être super concept. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, envoyez-moi sélectionmusique@orange.fr, sélectionmusique en un seul mot avec un C à la fin, @orange.fr, voilà. On se passe encore quelques petits morceaux. Bien sûr, on a encore, encore deux morceaux à passer. Allez, deux morceaux à passer. Un original, un sample, un original, et un sample. Donc quatre morceaux alors. Et ben c'est tout à fait ce qu'il faut. Parfait. Bon, maintenant on va s'écouter. Après Quincy Jones, il y a un autre monsieur de la musique. Quincy Jones est encore vivant, mais lui l'autre est, mort, ouais. Mr. James Brown. Une fois par émission. Et là, c'est particulier parce que ça a été samplé par Miles Davis. Ah. Bon, explication quand même. Explication. Explication. Miles Davis meurt en 91. Il est en train d'enregistrer un album qui est produit par un rappeur américain qui s'appelle Doo-Bop. Enfin, l'album s'appelle Doo-Bop, et ça prouve d'ailleurs l'ouverture de Miles Davis. C'est pas son meilleur album, évidemment, mais ça prouve l'ouverture de Miles Davis, qui va à chaque fois prendre les nouvelles influences des sons qu'il écoute, etc. On se souvient du funk aussi, avec un album qui s'appelait On The Corner. D'ailleurs, j'en profite pour préciser qu'il y a une réédition de toutes les sessions d'On The Corner. Si vous voulez écouter Miles Davis jouer sur du funk, c'est le moment. Ça vient de ressortir là. Ouais, en coffret, prestige, machin pour Noël, enfin qui coûte une blinde, mais ça vaut le coup quand même. Ouais. Et donc là. En tout cas, vous savez quoi offrir à Guillaume. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, cet album-là a été produit par Easy Mobi. Easy Mobi, c'est un mec qui avait produit Notorious Big, plein de trucs comme ça. Producteur de rap américain. Et donc, il a produit le dernier album de Miles Davis. Et donc, on va s'écouter d'abord James Brown, puisque sur le morceau qu'on va écouter de Miles Davis qui s'appelle Blow, où il joue de la trompette, évidemment, et c'est avec le rappeur Easy Mobi derrière. Voilà. Et ils ont pris la rythmique d'un morceau de James Brown. Je te rassure, j'ai rien compris à tout ce que tu viens de dire. Ça me rassure. James Brown, écoutez la rythmique, elle est samplée derrière par Miles Davis pour le morceau Blow, dernier album de Miles Davis. On écoute ça. Baby! a un rap après. Il y a un rap de Miles Davis. Non, non, pas un rap de Miles Davis, non. Ouais. Et donc, surtout à cette époque-là, il était vraiment en fin de vie, là. Hein. Ouais. 91, et il va mourir en 91 d'ailleurs. D'accord. Regarde le rap. With the legendary Miles Davis, just my favorite. And his trumpet can't be played with Tampa, with a picked up and thrown to the pavement. Whether left to right, or either right to left, wherever a microphone is kept. You'll be sure to hear Miles do the woobity shoebop, just to show as AB created the doo-hop. Not doo-wop, but bebop mixed with hip-hop. Don't be confused as your mind goes flip-flop. So relax with the trumpet, deeps just thump it. As for the girls, pop it. And make way for display in this way. Easy mobile, Miles Davis gets busy. With the sound of his horn on the set, so relax and let go. Miles Davis, hein, ouais, avec qui au chant? Easy Moby, qui a produit l'album, son dernier album, donc Doobop, que lui n'a pas entendu terminer, Miles Davis. Mais il me fait penser à une voix, ce mec-là, c'est très bizarre. Il a produit pas mal de gens. Enfin, il a produit Notorious Big et puis Tupac, enfin plein de trucs. Mais il a sorti un album, mais qui mérite pas vraiment le coup. Ouais. Mais bon, il a une voix qui me rappelle quelqu'un. Mais bon, comme fait d'armes, il produit Miles Davis, ce qui est quand même pas mal. Ce qui est pas nul. Le grand Miles, toujours ouvert aux nouvelles, musiques qui débarquent. Bon. Donc rap, il aura peut-être fait de la techno, il aura peut-être fait de l'électro. Ils n'auront pas fait des kilomètres ensemble. Non, ils n'auront pas fait des kilomètres ensemble. On parle. Je dis ça par rapport à Miles. Hein. Tu auras compris la subtilité. Bon, alright. Bon, on va bientôt se quitter. Oh, c'était pourri ce soir. Oh là là, non, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup. On m'a fait beaucoup de mal sans ça. On va s'écouter un morceau derrière de George Duke. Yeah. George Duke qui a joué aussi notamment avec Miles Davis. Bon, ils ont tous joué avec Miles Davis. Hein. Herbie Hancock. John Coltrane, Thelonious Monk, enfin bon, bref. Et d'ailleurs, c'est grâce à Miles Davis que tous ces gens-là, Coltrane, Herbie Hancock, George, etc., ont appris à s'ouvrir à des nouveaux genres, etc. Parce que Miles Davis était vraiment quelqu'un qui ouvert, allait un peu très partout. Ouvert. Ouvert ouais, ouais. Vraiment très ouvert aux nouveaux trucs. Mm. Bon, on va s'écouter George Duke, qui a été allègrement samplé par nos amis les Daft Punk. Là, j'ai écouté samedi le live. Ouais. Le live qui a été enregistré à Bercy, qui tue tout. Hein. Ah, qui tue tout. J'ai écouté ça chez ton frère d'ailleurs. Ah bah écoute, hein. De la bonne musique. Bon, il faudrait que j'écoute ça. Et ben on finit avec George Duke. Ouais. I Love You More, suivi de Digital Love des Daft Punk. Et je vous dis à lundi prochain. Gros bisous à tous. c'était tout simplement samplé sur ma radio avec Professeur Guillaume. Pour vous servir. J'espère que vous avez pris de bonnes notes ce soir. Interrogation écrite la semaine prochaine. Et bientôt arrive la spéciale Noël. La spéciale Noël. Ouais, tu la prépares Je la prépare. Pas mal, pas mal. C'est bien. La spéciale Noël bientôt avec tous les samples de Petite Papa Noël et consorts. Et consorts. Peut-être pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Au moins dans deux semaines. À l'approche des fêtes, comme on dit. À l'approche des fêtes, il faut écouter des musiques de Noël. Et voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés si nombreux ce soir, encore une fois, plus nombreux chaque semaine. Demain soir, mardi soir, Michel Vedette en direct à 19h avec son émission maintenant fameuse, l'émission Michel Vedette passe ses galettes, tout droit sorti de sa discothèque toute poussiéreuse. Il va nous sortir plein de disques de 45 tours improbables. Et mercredi soir, Edouard Rostand en direct live qui vient nous faire sa petite sélection musicale dans l'émission Le Son du Platiniste. Jeudi soir, n'oubliez surtout pas le Mato qui va venir lui-même faire son émission.